Chapitre 10e, les chambres abandonnées. Edward Arundel tint parole. Il attendit une semaine et plus, mais Paul Marchmont ne donna pas signe de vie, et après lui avoir donné 3 jours de grâce en sus du temps promis, le jeune homme abandonna Kemberling Retreat pour toujours, ainsi qu'il le croyait, et s'enfuit du Lincolnshire. Il avait attendu, espérant que Paul Marchmont essaierait de prendre sa revanche, et que quelque lutte désespérée, physique ou légale, peu lui importe laquelle, aurait lieu entre eux. Il aurait béni le hasard qui serait venu lui fournir une chance de se venger, mais rien n'arriva. Il envoya Morisseau nos informations sur le maître de Marchmont Towers, et le factotum revint avec la nouvelle que M. Marchmont était malade et ne verrait personne, excepté toutefois sa mère et M. George Weston. Edward Arundel haussa les épaules quand il apprit ces nouvelles. « Quel chien méprisable que cet homme !» se dit-il. Il fut un temps où j'aurais pu le soupçonner de quelque crime sur la personne de ma pauvre femme. Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Il n'est pas même capable d'un grand crime. Il a eu seulement la force de frapper sa victime dans l'ombre avec des paragraphes menteurs dans les journaux et d'infâmes allusions. C'eût été peut-être un acte de politesse ordinaire si Edward Arundel avait fait une visite d'adieu à ses amis de la Grange. Mais il n'alla pas à l'hospitalière vieille maison. Il se contenta d'écrire une lettre cordiale au major Lawford, en le remerciant de son hospitalité et de sa bonté, et lui donnant vaguement à espérer une rencontre future. Il fit porter cette lettre par Morrison, qui était d'une gaieté folle à l'idée de quitter Kemberling, et qui s'acquitta de sa commission avec une activité de jeune homme dans l'exubérance de sa joie. Le valet fit les préparatifs du départ avec tant de promptitude que les arrangements nécessaires furent complétés en 2 jours, et le 29 octobre, à la fin de l'après-midi, tout était prêt. Il n'avait plus qu'à surveiller le départ des 2 chevaux de la garde de Kemberling sous la garde du jeune garçon qui avait servi de groom à Edward. Durant cette dernière journée, Edward Arundel erra çà et là dans la maison et le jardin qu'il devait bientôt quitter. Il était terriblement embarrassé de sa personne et hélas, ce n'était pas de ce jour-là seulement qu'il sentait le fardeau de son oisiveté sans espoir. Il le sentait toujours, cet horrible fardeau qu'il ne pouvait secouer. Sa vie avait été brisée brusquement, pour ainsi dire, par la catastrophe qui l'avait rendu vieux avant que sa lune de miel fût finie. L'histoire de son existence était interrompue. Tout à coup, toute la meilleure partie de sa vie lui était enlevée. Il ne savait que faire, du reste, inutile et désolé. Les fils brillants d'une toile jadis parfaite dans son ensemble présentaient, déchirés en deux, une masse confuse et inextricable, et le cerveau du jeune homme se brouillait quand il essayait de les arranger ou de les examiner séparément. Sa vie était très misérable et sans espoir à cause de son vide. Il n'avait aucun devoir à accomplir, aucune tâche à faire. Il faut qu'elle soit complètement égoïste, entièrement portée au sybaritisme et à l'indulgence personnelle, la nature qui ne sent pas qu'il lui manque quelque chose, quand elle n'a ni devoir à remplir, ni but à atteindre. Mieux vaut être Sisyphe roulant son rocher le long de la montagne que Sisyphe sans sa pierre et sans l'espoir d'arriver jamais au sommet. J'ai entendu une fois un homme, un colleur d'affiches, qui n'était nullement sentimental ou philosophe, déclarer qu'il n'avait jamais connu réellement la prospérité, tant qu'il n'avait pas eu 13 petits-enfants à nourrir, et certainement la confession de ce colleur d'affiches renfermait une morale universelle. Il avait peut-être été ivrogne auparavant, il n'en disait rien, ou bien encore un réprouvé, mais ses 13 petites bouches demandant du pain le rendirent sobre, sérieux, vaillant et sincère. Il avait un devoir à remplir, et il était heureux de s'en acquitter. On avait besoin de lui dans le monde, et il était quelqu'un. Depuis Napoléon III, tenant dans sa main les destinées de l'Europe coalisée et discutant qu'il reconstituera la Pologne ou s'il percera un nouveau boulevard jusqu'au père de famille dans un bureau du gouvernement qui travaille pour ses enfants, et du père de famille au balayeur de rue qui demande son sou de chaque jour aux citoyens affairés allant à leurs affaires, chaque homme a son travail particulier et sa responsabilité différente. La roue de la vie tourne, tourne sans cesse, mais le devoir et l'ambition sont les ressorts qui la font mouvoir. Edward Arundel sentit la stérilité de sa vie maintenant qu'il avait pris la seule revanche qui lui fut possible vis-à-vis de l'homme qui avait persécuté sa femme. Cette revanche avait été une satisfaction délicieuse mais courte. C'était fini. Il ne pouvait plus rien faire à l'homme, puisqu'il n'y avait pas de plus bas degré d'humiliation, à notre époque où les piloris, les poteaux à flagellés et les bûchers ont disparu de nos places publiques, auxquelles une créature dégardée put descendre. Non, il n'y avait plus rien à faire. Il était inutile de rester dans le Lane Conacher. La triste pensée suggérée par la petite pantoufle trouvée sur le bord de la rivière n'était hélas qu'une trop sérieuse réalité. Paul Marchmont n'avait pas assassiné sa cousine sans défense, il l'avait seulement poussée à la mort par les tortures. Il n'avait rien à craindre de la loi du pays, qui, étant d'une nature positive et arbitraire, n'atteint pas les offenses indéfinies. Cet homme infâme était à l'abri de la justice et libre de jouir de sa fortune mal acquise, si toutefois il pouvait en jouir beaucoup après la scène sur la terrasse. La seule joie qui était restée à Edward Arundel, après s'être retiré du service de la Compagnie des Indes orientales, avait été cette violente soif de vengeance. Il avait bu jusqu'à la lie cette coupe enivrante, et tout d'abord le sentiment de son triomphe l'avait enivré, mais il était à l'état sobre maintenant, et il arpentait le jardin négligé sous le ciel froid d'octobre, foulant aux pieds les feuilles mortes et songeant à l'avenir désolé, les bras croisés et la tête courbée sur la poitrine. L'avenir était un désert aride, une vaste étendue de sable sans aucune île dans le lointain, sans dôme empourpré, sans minaret élancé à l'horizon. Il était dans la nature même de ce jeune homme d'être soldat, et il n'était rien en dehors de cette carrière. Il ne se souvenait pas d'avoir eu d'autre aspiration que cette soif ardente de gloire militaire. Avant qu'il connût la signification du mot « guerre » étant tout enfant, le bruit d'un clairon ou la vue d'un drapeau flottant, d'une arme étincelante, de l'habit rouge d'une sentinelle, l'avait ravi. Les récits sans ornement des guerres grecques et romaines avaient été aussi agréables pour lui que les plus beaux paysages de Macaulay, de Froude, de Thiers ou de Lamartine. Il était soldat par inspiration céleste, comme le sont les grands capitaines. Il n'avait jamais connu d'autre ambition ou fait d'autres rêves. D'autres jeunes gens avaient parlé du barreau, de la députation ou de leur gloire. Bon, comme elle semblait froide et simple. Qu'était-ce que la gloire d'un triomphe au Parlement où des mots étaient les seules armes des combattants, en comparaison d'une lutte corps à corps ayant lieu dans un marais ensanglanté ou dans une tranchée encombrée ou d'une charge de cavalerie devant laquelle les phalanges des féroces Afghans fuyaient comme des moutons effrayés dans un pâturage. Edward Arundel était soldat comme le duc de Wellington ou Sir Colin Campbell, le vieux nom romantique Harry sous la plume involontairement parce qu'on le préfère, ou Othello. Les premières plaintes du mort quand il croit que Desdemone est infidèle et que sa vie est brisée sont un sublime adieu à toutes les gloires du champ de bataille. Il en était presque de même avec Edward Arundel. La perte de sa femme et celle de son grade de capitaine se confondaient en une seule chose dans son esprit, et il ne pouvait que gémir sur le grand malheur qui avait rendu son existence tout à fait désolée. Il n'avait jamais mesuré jusqu'alors toute l'étendue de cette désolation, car auparavant il avait été soutenu par l'espoir de la vengeance contre Paul Marchmont, et maintenant que son unique espérance avait été réalisée autant que faire se pouvait, il ne lui restait rien, rien qu'un retour sur le sacrifice qu'il avait fait et sa rentrée à tout prix dans l'armée de l'Inde. Il essaya de ne pas songer à la possibilité de ce projet. Il regardait presque comme une infidélité à sa chère femme ce rêve d'honneur et de distinction, maintenant qu'elle était à jamais perdue, elle qui eût été si fière de tous les triomphes de son mari. Ainsi, sous le ciel gris d'octobre, il se promenait dans les allées pleines d'herbe au milieu des plantes, des ronces et des branches rompues qui craquaient sous ses pieds, et vers la fin de l'après-midi, alors que le jour qui avait été froid et sans soleil disparaissait pour faire place au crépuscule, il ouvrit la porte basse en bois et s'avança sur la route. Une impulsion à laquelle il ne put résister l'entraîna vers le bord de la rivière et le bois situé derrière Marchmont Towers. Une fois encore, la dernière de sa vie peut-être, il voulut parcourir cette rive solitaire et regarder le noir et triste endroit où il avait été fiancé à sa femme. Ce n'était pas qu'il eût eu la moindre idée de rencontrer Olivia Marchmont. Il avait chassé de son esprit tout souvenir de sa cousine depuis sa dernière visite au chalet solitaire, quel que pût être le mystère de la vie d'Olivia. Son secret gisait au fond d'un sombre abîme que l'impétueux jeune soldat ne se souciait pas de sonder. Il ne tenait pas à découvrir ce hideux secret. L'honneur terni, la honte, la fausseté, la dégradation se cachaient sous le voile obscur dont la veuve de John Marchmont avait enveloppé sa vie. Il ne chercherait pas à les exposer au grand jour. Ce n'était pas à lui d'écarter le rideau qui abritait sa parente contre les regards du monde. Il n'avait par conséquent aucune intention de pénétrer les secrets que pouvait renfermer le pavillon du bord de l'eau. La fascination qui l'attirait en cet endroit était le souvenir du passé. Il ne pouvait aller visiter la tombe de Marie, mais il allait avec autant de respect que s'il se fût rendu au cimetière, revoir la place où il avait été fiancé à la jeune fille et dire un dernier adieu à ce coin de terre consacré par l'aveu de l'innocent amour de sa femme. Il était presque nuit quand il arriva au bord de l'eau. Il suivit un sentier qui ne passait pas par les terres environnant Marchmont Towers, un étroit sentier qui servait parfois de chemin de halage quand quelques grosses barques noires descendaient vers la mer. Ce soir-là, la rivière était cachée par un brouillard blanc, qui obscurcissait la terre et l'eau, et ce ne fut que par le bruit des sabots des chevaux qu'Edward Arundel fut averti de se jeter de côté pour laisser passer un attelage traînant une chaîne qui sonnait sur les cailloux de la rive. « Pourquoi dit-on que ma bien-aimée s'est suicidée ?» pensait Edward Arundel en marchant lentement le long de l'étroit sentier. Ce fut par une soirée comme celle-ci qu'elle s'enfuit de chez elle. Qu'y a-t-il d'improbable à ce qu'elle perde du pied et soit tombée dans la rivière ? Oh, ma pauvre chère femme, Dieu veuille qu'il en soit ainsi. Dieu veuille que tu t'aies perdue pour moi, par sa volonté et non par un acte désespéré dont tu aurais été responsable. Triste comme l'était pour lui la pensée de la mort de sa femme, elle l'amena à croire que la mort avait pu être accidentelle. Il y avait dans cette alternative toute la différence de la douleur au désespoir. Errant sans but, au hasard, à travers ce brouillard d'automne, Edward Arundel se trouva auprès du chalet avant de savoir qu'il était dans le voisinage. Il y avait une lumière qui brillait à la grande fenêtre en dehors de l'atelier, et un rayon oblique s'échappait par la porte à demi ouverte. Sur ce seuil éclairé, Edward aperçut la silhouette d'une jeune fille. Une jeune fille mal mise, à cheveux rouges, à figure grasse et tachée de rousseur, et qui portait un tablier en coton couleur de lavande, et des souliers à gros clous avec des œillets en cuivre sur le devant, et des courants en cuir très longs enroulés autour de la cheville. Le jeune homme se souvint d'avoir vu un jour cette jeune fille au village de Camberling. Elle avait été au service de Mrs. Weston comme bonne, et elle passait pour avoir été élevée à la maison de charité de Swampington. Cette jeune fille s'appuyait contre le montant de la porte entr'ouverte et avait les mains appuyées sur les hanches en humble imitation des matrones qu'elle avait eu l'habitude de voir flâner sur leurs portes dans la grande rue de Camberling après que les devoirs de la journée étaient remplis. Edward Arundel tressaillit à l'apparition soudaine de cette jeune fille. « Qui êtes-vous, jeune fille ? » demanda-t-il. « Et qu'est-ce qui vous amène ici ?» Il tremblait en parlant. Une agitation soudaine s'était emparée de lui et il ne pouvait s'en expliquer la cause. Il semblait que la Providence l'avait amené à cet endroit ce soir et avait mis cette ignorante campagnarde sur son chemin dans quelque but particulier. Quels que puissent être les secrets de cette habitation, il devait les connaître, puisqu'il y avait été amené non par la curiosité, mais seulement par un amour respectueux pour un endroit associé dans son esprit avec sa femme morte. « Qui êtes-vous, jeune fille ? » répéta-t-il. « Je suis Betsy Morel, monsieur, » répondit-elle. « Il y en a qui m'appellent Bête l'éveillé, et je suis venu ici pour nettoyer un peu. »« Nettoyer quoi ? L'atelier. Il est très en désordre et je dois tout arranger convenablement avant que le squire soit remis. »« Êtes-vous seule ici ?»« Toute seule, oui, monsieur. Y a-t-il longtemps que vous êtes arrivé ?» La jeune fille regarda M. Arundel d'un air rusé, qui était un des attributs de son surnom d'éveillé. « J'ai toujours été ici depuis que le squire y est venu, » dit-elle. « Il y a pas mal de besogne. » Edward Arundel la regarda avec sévérité, mais il ne découvrit rien sur cette figure stupide après que le regard malicieux eut disparu. Le jeune homme aurait pu, en scrutant la figure sculptée à l'avant de la barque noire qui descendait lentement la rivière, avoir tout autant de chances d'obtenir quelque information que par le jeu de cette physionomie. Il passa à côté de la jeune fille et entra dans l'atelier de Paul Marchmont. Mais Betsy Morel ne s'y opposa nullement. Elle avait dit la vérité au sujet du nettoyage à faire, car l'atelier était saturé d'odeurs de savon et un seau ainsi qu'une brosse à frotter était sur le plancher. Le jeune homme regarda la porte derrière laquelle il avait entendu crier l'enfant. Elle était entr'ouverte et les marches qui conduisaient attestaient par leur humidité le zèle de Betsy Morel. Edward Arundel prit la chandelle allumée sur la table de l'atelier et monta l'escalier du pavillon. La jeune fille le suivit. mais il n'essaya pas de l'arrêter ou d'intervenir en rien. Elle le suivit, la bouche béante, et le regardant à la manière des gens de son espèce. Elle personnifiait au complet la stupidité rustique. Tenant de la main gauche la chandelle vacillante, Edward Arundel examina les deux chambres du pavillon. Ses recherches n'amenèrent pas grand résultat. Les deux petites chambres étaient nues et tristes. Les réparations qui avaient été exécutées n'avaient abouti qu'à les rendre habitables en les garantissant du vent et de la pluie. L'ameublement était le même que celui qu'Edward Arundel se souvenait d'avoir vu dans sa dernière visite aux Towers, car Mary avait aimé beaucoup s'asseoir dans l'une de ces petites pièces et à regarder la rivière qui coulait lentement et les roseaux qui tremblaient au vent sur ses bords. On ne voyait aucune trace d'occupation récente dans les chambres vides et pas de cendres dans les cheminées. La jeune fille fit une grimace malicieuse lorsque M. Arundel éleva la chandelle au-dessus de sa tête et regarda autour de lui. Il se promena d'une chambre à l'autre. Il examina les chaises vermoulues, les tables branlantes, les rideaux en damas usé qui remuaient de temps en temps au souffle du vent que laissaient pénétrer les fentes des portes et des fenêtres. Il regarda çà et là comme un homme égaré au grand amusement de Miss Betsy Morel, qui, les bras croisés et les coudes dans la paume de ses mains mortes, le suivait dans ses mouvements d'une chambre à l'autre. « Quelqu'un habitait ici il y a 8 jours, dit-il. Quelqu'un qui prenait soin d'un... » Il s'arrêta tout à coup. S'il avait vraiment deviné le sombre secret, il valait mieux qu'il fût caché à tout jamais. Cette jeune fille était peut-être moins bien renseignée que lui. Ce n'était pas à lui de l'éclairer. « Savez-vous si quelqu'un a vécu ici dernièrement ? » demanda-t-il. Betsy Morel secoua la tête. « Personne n'habitait ici, que je sache, » répliqua-t-elle. « Et n'y prenait ses repas, etc., etc. Ma maîtresse y apporte quelquefois son ouvrage et s'installe dans l'une de ses chambres. Pendant que M. Powell travaille à ses peintures, voilà tout ce que je sais. » Edward redescendit dans l'atelier et déposa la chandelle. Le mystère de ces chambres vides n'était pas son affaire. Il commençait à croire que sa cousine Olivia était folle et que ses accès de terreur et d'agitation n'étaient en somme que le délire d'une femme folle. Il y avait eu dans sa manière d'agir pendant l'année dernière bien des choses qui semblaient prouver la folie. La présence de l'enfant avait pu être purement accidentelle. Et la violence de sa cousine n'était peut-être qu'un paroxysme de folie. Il soupira en laissant Miss Morel à ses occupations. Le monde semblait détraqué, et lui, dont la nature énergique tendait au redressement de ce qui se courbait, ne connaissait aucun moyen de le remettre en ordre. « Adieu, endroit solitaire, dit-il. Adieu, endroit où ma jeune femme a avoué pour la première fois son amour. » Il reprit le chemin du cottage, où le désordre qu'entraînent les préparatifs de départ avait cessé, et où Morrison régalait une bande d'amis dans la cuisine. Le lendemain, de bonne heure, M. Arundel et son valet quittèrent le Lincolnshire. La clé de Camberling Retreat fut remise au propriétaire, et un placard en bois se balançant au-dessus du grillage délabré du porche avertit les passants que l'habitation était allouée.